Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 85. De la pénitence considérée comme vertu. La pénitence est une vertu spéciale qui fait partie de la justice et dont la volonté est le siège. Elle a son commencement dans la crainte. Elle n'est pas la première de toutes les vertus. 1. La pénitence est-elle une vertu? Si la pénitence n'était pas une vertu, la loi divine ne nous la commanderait point par cette parole, faites pénitence. Matthieu 4, 17. Prise comme affection douloureuse de la partie sensitive de notre être, elle est simplement une passion, mais, envisagée dans la volonté qui l'embrasse par une certaine élection conforme à la raison, elle est certainement une vertu ou un acte de vertu. La droite raison nous prescrit de concevoir une douleur modérée de nos péchés passés, afin de les effacer et de n'y plus retomber. 2. La pénitence est-elle une vertu spéciale? Oui, puisque la loi divine en fait l'objet d'un précepte spécial. Si les habitudes, et partant les vertus, se spécifient d'après la nature de nos actes, une vertu particulière doit correspondre à tout acte louable dans son espèce. Or on trouve dans la pénitence un acte très digne d'éloge, acte n'appartenant à l'idée d'aucune autre vertu, celui qui a pour but la destruction du péché comme offense de Dieu. La pénitence est donc une vertu spéciale. Note. Ce qui fait qu'elle est une vertu spéciale, ce n'est pas précisément la détestation du péché, qui est l'œuvre immédiate à la charité, c'est l'intention de travailler à la destruction du péché. Fin de la note. 3. La pénitence fait-elle partie de la justice? La pénitence, dit saint Augustin, est une sorte de justice exercée contre soi-même. La pénitence est une vertu spéciale qui, déplorant le péché comme offense de Dieu, travaille à le réparer. Or, pour réparer une offense, il faut non seulement cesser l'acte blessant, mais offrir une compensation. Il est évident par là que la vertu de pénitence forme une partie de la justice, non de la justice absolue qui s'exerce entre égaux, mais de la justice relative, car le pénitent doit s'adresser à Dieu comme le serviteur s'adresse au maître, le fils au père, la femme au mari. 4. La pénitence a-t-elle son siège dans la volonté? Comme passion, la pénitence, sorte de tristesse, réside dans la puissance concupiscible. Comme vertu, elle a pour siège la volonté, parce que son acte propre est le ferme propos de réparer le péché commis contre Dieu. 5. La pénitence a-t-elle son principe dans la crainte? Le premier principe des actes de la pénitence n'est autre que Dieu même, qui change nos cœurs, conformément à cette parole, « Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous serons convertis. » Lamentations 5, 21. Mais l'homme coopère à l'œuvre divine par certains actes, qui se succèdent dans l'ordre suivant, mouvement de la foi, mouvement de la crainte servile, qui le porte à s'éloigner du péché à cause des supplices éternels, mouvement de l'espérance, mouvement de la charité, mouvement de la crainte filiale. Les choses étant ainsi, la pénitence procède de la crainte servile, comme d'un premier sentiment qui la commence, et de la crainte filiale, comme de son principe immédiat et prochain. 6. La pénitence est-elle la première des vertus? La pénitence n'est pas absolument la première des vertus, bien que, dans l'ordre du temps, on puisse attribuer une certaine priorité à son acte, qui apparaît avant tout autre dans la justification du pécheur, la foi et l'espérance informent, l'acte de la crainte servile elle-même la précède. On ne saurait dire non plus qu'elle est antérieure à la charité, qui, comme acte et comme habitude, entre dans l'âme en même temps qu'elle, puisque l'acte du libre arbitre vers Dieu s'opère simultanément avec celui du libre arbitre contre le péché. Elle est pareillement précédée de la charité, dans l'ordre de la nature, car, venant de l'amour de Dieu, elle trouve sa cause et son motif dans les vertus théologales, et spécialement dans la charité elle-même. D'ailleurs, ce qui est par soi précède ce qui est par accident, or la pénitence n'est qu'accidentellement nécessaire, c'est-à-dire dans la supposition du péché. Donc elle n'est, d'aucune manière, la première des vertus. Note. On peut dire néanmoins qu'elle ouvre la porte aux autres vertus, dans le sens que toutes entrent dans l'âme, lorsqu'elle bannit le péché par la foi, par l'espérance et par la charité. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.